Lisons encore cette disposition pertinente de l'Évangile. En Pierre chapitre 2, c'est le Nouveau Testament. Verset 1 à 3. Rejetant donc toute méchanceté, nous devons rejeter. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, se camoufler. Donner l'impression d'être bon pendant que tu sais que tu fais le mal et que tu fais mal. Donner l'impression d'être saint pendant que tu es impur en secret. Et la ruse, rejetez ça. Soyez face à face avec votre Dieu. Dites-nous comme la femme à la porte de l'Évangile. Dites-nous la vérité. C'est ce qui vous concerne. La dissimulation. Même la dissimulation. L'hypocrisie. L'envie. Amen. Et toute médisance. Si chacun décidait maintenant même de faire ce que Dieu ordonne ici, rejeter toute médisance contre qui que ce soit. Attaque contre mon conseil, mon salon à yon. Attaque contre pasteur, na frère, na diacre, na kingan. Attaque contre frère, membre église, contre soeur église. Attaque contre ma conseil politique, toi et ma militaire. Toute médisance. Rejetez mal des gens. Rejetez ça. Vous voyez quand même. Au Kabila, y est vraiment, Kabila. Aïe bio. Mais on est là toujours. Voilà la médisance. Quand est-ce que tu iras demander pardon chez lui? Est-ce que ça va bien se terminer aussi? Le jour où tu vas prendre la décision d'aller voir le Raïs. Raïs. Si vous êtes au Kenné, vous êtes au Kenné. Ah, nani, azo tenir à cœur, azo insister ming bagarre de l'icône, balobino, moutoumoko azawa, azo insister que vous yambaye. Ok. Au kotipe, au légui ma barrière, tout ça, beaucoup mis en face. Imaginez, il a ses occupations. Et il a sa discipline personnelle. Azali à l'olégui n'a dit tant que ça. C'est pas militaire, hein? Azali, Souda. Mais ayo kakara nid, ozo yébisaye. Au moni, na tonga ki yo mingi, on n'a parole sengi, po tanga ma kambono so tonga ki ye yamabe wana. Ozonge la malo vana kolo makontre ye motamo e ke yepe a yogi alibi sayo na lobaki ozaga demo na lobaki yonde mboki ya Congo na lobaki yonde obomaki mboka na lobaki yonde boy peut-être un moment il dit attends tu n'as pas encore fini abenda ni kaka pepe de kuna omone ka zongi calme ndenga zaga na bakalme na yon je demande est-ce que kosile la yo bien ah que Dieu nous aide zamba son habito. Que Dieu nous aide hein, à gérer notre bouche. Alors toutes mes licences, rejetez ça. Frère, non d'église, on y est pour vous faire un peu parole au yo, quand même, vous avez un mangandoté. Pour aller à yo. Attends, tombe qu'à celui qui a décidé tout ça comme indifférent, vous changez ma comportement, mais au moins, au yé, c'est vérité, au Seigneur, pardon. D'accord? Hein? Mais, ma colère, à vous, ma yoté. Mais, à cause de vous, côté. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nabokosi, nabilulela, namatengi yonso, loko la bana, babotani bobele sasa ipi, loko la fosa na mabele, sembo na molimo ete pona yango bokola kino lotuku. Dieu réclame cette croissance pour le salut. Nambe asengi bokoli wana pona lotuku. Mais elle démarrera quand? Mais c'est quand vous allez désirer recevoir le spirituel et pur. Wana miliki oyo ya molimo pe wa peto. Parole ezopekisa biso kotonga nyonso. Lingala elobi bongo. Lolenge nyonso kotonga, bwakisa yango na vie na yo. Ça, c'est l'ABC de l'évangile. Mais il y a des gens qui ont fait 15 ans qui continuent à critiquer. Mais il veut qu'on appelle ancien dans l'église. Ancien en quoi? 15 ans après, on tourne à quoi on va. Même les locaux, il y a un bouquet qui croit qu'il se retourne, on ne peut pas se faire. Mais on est comme ça, ma impression à bateau d'être spirituel. On a un cola. On colle wapi. On tourne, gagne, on tourne. Tu y as encore vraiment au début. Vous avez la secoura dans les bandelis. Frère et soeur. De comment se mouvali. La langue, c'est critique. Mon encore, on m'a tendu. C'est tout la bouche qui aime tout le parler. On est là pour le bambingi. Et c'est pour dire quoi? Pour critiquer les gens. On a colle wali, pour la cotonga, vous venez bateau. Venez boire le lait. Vivez ce lait, s'il vous plaît. Le lait spirituel est pur. La parole du salut. Vivez ça. Pour rejeter toute malice. Toute méchanceté. Si tu examines chacune de tes réactions et de tes émotions, tu verras si le mal subsiste ou non en toi. Ma réaction, monsieur, que vous devez vous donner un engagement, c'est mon thème à ma paix. Vous devez vous donner un trou parce que c'est pas une assistance à aider. Mon thème à ma paix. Hein? On peut dire que vous devez vous donner un engagement, ceux qui promotent, ceux qui n'y ont pas de thème à aider. Vous devez vous donner un engagement. Ah, vous devez vous donner un engagement. Vous devez vous donner un engagement. Vous devez vous donner un engagement. Vous devez vous donner un engagement. Vous devez vous donner un engagement. Vous devez vous donner un engagement. Non, non, soyons sérieux, s'il vous plaît. Cherchons le salut de nos âmes. La méchanceté, la médicence, ce sont les attributs du péché. Ce sont les signes évidents de l'incrédulité. Ce sont les symptômes de l'incrédulité. Les gens qui ne croient pas la parole. Ils sont méchants, jaloux, envieux, critiqueurs, hypocrites. Ce sont des sorciers. Qui m'ont m'avait bandogi. Bandogi ne bongopé. C'est pas bon, hein? Madame. Et bah tu m'as dit que ce n'est même pas par gentillesse. La méchanceté. On a kanza. Comme je vous ai dit, c'est en passant un jour. Mais nous ne connaissons pas comment. Namboka RDC, je vis une affiche là quelque part. On dit, Timothée Mamabe et comment le rôle à métier. Pour la partie de Soussouna, Namboka RDC Awa, République démocratique du Congo. Ex-Zaïre. Timothée Mamabe et comment le rôle à métier, profession pour la partie de Soussouna. Moussa la Fatela a dit que la Kamikolo non so, moi il tiboutou, kaka Timothée Mamabe. Nous devons changer. Il est bon, voilà. Il dit, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, donc dès le départ, les choses de Dieu, on ne doit pas vous les forcer. Il faut l'expérience personnelle. Parce que le salut est individuel. Dieu est ton créateur personnel. Même des gémeaux, ils naissent chacun à son heure. Dieu est ton créateur personnel. Il doit l'expérimenter personnellement. Il ne deviendra jamais son petit-fils. Il veut des fils directs. Une relation directe toi et lui. Tu dois goûter d'abord. Et sentir que le Seigneur est bon. Merveilleux dans les combats. Il est merveilleux dans la bataille. Il est merveilleux dans la guérison. Il est merveilleux dans le salut. Veux-tu l'admettre, le croire? Maintenant ici il y a une carte postale que je viens de recevoir ici. On a écrit mon pasteur, que Dieu vous bénisse et la soeur a signé de son nom. Ah, merci beaucoup pour la carte postale. Peut-être que aider courager mon tout comme mon rabbi. Même quoi que l'évangile. Est-ce qu'il faut battre Raboyer entre nous? Moi j'ai reçu ma bénédiction. Obimi témoin. Donc yo mutu ngombo di ngai, obimi témoin. Zamba komisio témoin. Je suis béni de prêcher comme ça. Amen. Na pambola ni kutia pale lenge yo. Yo kolomo ya mutu ngombo na sala ngoti pongo basino soyo. Yo zola ne ba fratri le banda wana na mitema zamba da ibimi tema. Mais en Dieu une personne est une majorité. Amen. Kati na zambe moto moko zali kotali sa ebele. C'est déjà beaucoup. Zali mingi. Qu'une âme nous bénisse déjà beaucoup. Ah oui, Toyo Canadien à l'Ikamboyo. Vous devez goûter que le Seigneur est bon. Et maintenant recevoir la parole de Dieu comme étant le lait spirituel et pur. Et par son canal croître. Non pas pour les choses du monde, mais croître pour le salut. Donc, pour les belles aux qui mènent l'église, la situation est belles aux autres civils, la injustice à vie et tout ça, c'est pour le salut de ton âme. Et pèse ton courage, hein. Sans vous aimer que Nasuka, tu recevras le salut de ton âme, comme ça le prix de ma foi. Et pour ça, je suis déterminé. On a un goût, à la fin. Par le Dieu pour qui je souffre et je travaille. Il ne fera jamais travailler en vain. Il est le rémunérateur de ce que les gens font. Il paye bien et correctement. Allons jusqu'au bout, mes familles. Dans les sermons, la préparation de Dieu. La préparation de Dieu prêchée le 1er avril 1950. Les paragraphes 38 et 59. Il y a des malades assis ici maintenant. Ils vont sortir d'ici ce soir guéris. Amen. Ça aussi il faut goûter. Amen. Il y a des malades ici. Maintenant là. Mais qui vont sortir d'ici guéris. Santé, combien le Seigneur est bon. Que le soleil vous atteigne aussi vous. Même ces douleurs chroniques doivent entendre. Papa, si on oumele, et comment le voilà, mais ça non. Et comment le voilà, caractère est pas inayo. Mais sa caractère, c'est. Ça doit partir. Dans Esaïe 35, là, il est dit que les rachetés de l'Éternel retourneront à Sion. La joie et l'allégresse couronneront les retraites. Et la douleur s'enfuira. C'est pas si on peut. Un des vieux symptômes des maladies, la douleur. Mon corps, il y a un calé en bocon, il y a un mauvais passé. Oh, vous partirez guéri. Vous ne vous dites pas, mais. Sans déjà commencer, ce pneu-là est dégonflé. Ça, la parole que nous venons de dire, Ne me dis pas que c'est sauvage. C'est pour le salut de ton âme. C'est pour le salut de ton corps aussi. Les paroles agréables. Elles sont salutaires pour le corps. Toi aussi agraille ça. Agraille ces paroles. Entre sur le chemin. Voyez comment on a dit dans... Proverbe 16, hein? Annoncé à 25. Mais là, après ça, il est dit. Telle voix paraît droite à un homme. Mais celui-ci, c'est la voix de la mort. Mais nous, nous ne devons pas emprunter n'importe quelle voix. Les racheteurs doivent prendre la voie étroite. La douleur doit faire quoi? Parti et finir pour faire nini. Okenda. Parole des autres tombent la pneu à ma douleur. En direct, en live. Oyo qui gaga si koyo, et bané moussara gaga si koyo. Amen. Et tomboli pneu à maladie chronique na yoana. Attends, on va dire, ben, toi, on est bika gâté. Et quoi bika? Dieu va changer les témoignages. Le médecin reconnaîtra. Parmi nous ici qui ont ramené les témoignages. Et nous allons demander, où est-ce que la kawapi? Ah. Cet endroit négligé là toujours. Et toi, il y a un message qui a mis en place. Ah, il y a un message à Frère Branham. Oh! Toyebi. Bwana basambela na solo. Amen. Minga ngabalobi toyebi. Amen. Basambela ya solo. Amen. Il y a des farceurs qui nous ont fait qui nous ont fait les traits. Regaline a battu la masse qui va dire que c'est la minorité de racheter. Moké wa basu kola mi. Elle se trouve dans ce message. Il a les quatre la sango. Kaka message au batola. Kaka message au batamu je sango mabe. Yangonde so tamu c'est la minorité de délivrer. Ils sont sur la voie étroite. Sur le chemin de la sainteté. Dans la discipline de la sainteté. Ils débouchent à la porte étroite. La vie éternelle. Il y a des malades assis ici maintenant. Ils vont sortir d'ici guéris. Cette parole agréable et salutaire pour vous. Homme frère. Femme sœur. Vous qui êtes. La race de Abraham. La race de croyant. Et vous qui craignez Dieu. C'est à vous. Que cette parole du salut est en vous. Zambé a signé le Yangonde. Et il y a solo et sa ponangaï. C'est riche, c'est profond. Sonda, oh alléluia, et l'amour divin, cet amour, amour aidant. Oh oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, indigne, je le suis, indigne. par grâce pour moi. Pour moi. Amour, amour. Immuable, immuable, chantons incomparable. Oh oui, inexprimable. Alléluia, et amour, vivant cet amour, amour. Oh oui, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Digne sauvé par grâce de Dieu pour moi. Pour moi. Amour, amour. Réveillant. Dans mon cœur chantait amour. Amour de mon sauveur, dans mon cœur, chantez un amour, amour qui, voilà mon bonheur. Oh, c'est pour moi, c'est pour moi, qu'il a tellement souffert. Pour moi qui ne m'est rien. Si quelqu'un dans la joie qu'il chante, les cantons. Pour moi qui l'a tellement souffert. Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi. Dans mon cœur, là, chante un amour. Amour de mon sauveur, dans mon cœur. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante les cantiques. Oh, amour qui fait tout mon et c'est moi et c'est moi yang gagne son bon pour bingo na yeso ango bolingo po lingo eko yemba katika sena apo nanga po nanga yeso akufaki Pona ngai moto ya pamba. Pona ngai po. Nanga Yesu akopake. Tolo kisali pona nga. Oh, esenmo e. Si quelqu'un dans la joie qui chante les cantiques. Tolo bolingo. Na yeso, yango bolingo, bolingo, eko yemba, katika. Une deuxième carte postale, tu es témoin. J'ai reçu une deuxième carte postale. Ça c'est la carte postale ancienne mode, hein? Ça c'est l'ancienne mode. Lélo bien, n'a pas moi mis. Mon pasteur, encore une fois de plus, que le Seigneur vous comble. Alors, parlant de dégonflement, c'est Dieu. Car il y a beaucoup à dire. C'est-à-dire, inspiration est dans la chair et touchée pour tout le monde. Pour ça, il y a la dimension. Nous sommes connectés là-bas. Il y a beaucoup de manie. C'est la communion de Dieu ici. Vous allez se sanglier à vous en dehors. Quelqu'un ne comprend pas, mais l'église où je ne comprends pas. C'est quoi au juste? C'est Dieu au juste. Vous allez en dehors. Oh, une question. Parce que je veux savoir une chose. Si une personne parle pour condamner les péchés, pour défendre la parole, la nature l'a de parler. C'est pas la douceur. Oui, c'est la douceur de Dieu. C'est elle-même qui peut reprocher. Galates chapitre 6 verset 1. La Bible a dit que si vous frères qui êtes spirituels, vous surprenez quelqu'un dans le péché, un frère, reprenez-le. Vous ne haïssez pas la personne, mais vous haïssez le mal qu'elle fait. Quand la personne vous l'aime, c'est pour son bien que vous redressez. C'est un ordre. Il y a des malades assis ici maintenant. Ils vont sortir guéris. Amen. Il n'y a aucun doute que les gens qui se meurent sont assis ici maintenant. Et ça ne fait pas de doute. Est-ce que c'est impossible? Mais à cause de la bonté de Dieu. Dieu qui voit. L'amour pour lui. Dieu que tu es indigné et tout. Attends, il te gardera. Attends, là. Amen. Il y en a qui m'ont appelé pasteur après culte. Tout pour l'accident. Mais tu pouvais mourir, non? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours vivant? Que Dieu soit béni. Même notre sœur Élise qu'on a pleuré. Madame Marabella. Pour y aller balle à tout ça la prière. D'après la vision qui était donnée, vous allez mourir deux mois après le mariage. Nous l'avons dit ouvertement sans les cacher que ce mariage connaîtrait beaucoup de combats. Ça fait des années, on totalise 10 environ. Maintenant, au lieu de mourir deux mois après, ça vous fait la bonté de Dieu. Il y a un Dieu qui fait grâce aux gens ici. Qui rallonge la durée de vie des gens. Mais des fois nous avons une mémoire courte, mais nous avons trop à faire. Tout ce qui est inquiétude de la vie. Ça nous fait oublier certaines choses. Et quand les troubles viennent, on commence à se questionner. Mais réinterroger l'histoire. Ça ne marche pas par hasard. Il y a un Dieu qui tient nos vies. Et il est plein de bonté. Attendez à vos autres. Il n'y a pas de hasard de la part de Dieu. Ouais, il fait tout à merveille. Il est merveilleux dans la bataille. Il est merveilleux au combat. Il est merveilleux dans la guérison. Il est merveilleux pour sa vie. Pour sa vie, il est merveilleux. Azali, malambo, azali, malambo. Azali, malambo. Abomani abato azali azali wa solo yeso azali o solo ye solo ye alam solo ye o solo yeso malamu ambenango ya abomani o azali solo Yeso Azale Mal. Oh Yeso Yeso Azale Mal. L'amo ponanta. Mosonge Mokonze Bambe Nango. Solo Bambe Simoba. Belele Bea. Ye Azale Polo Pesambe Na. Le Seigneur mérite nos louanges. Il mérite nos acclamations. C'est nous qui devons l'adorer. Il loue chaque jour. Je l'aime et je le mérite. Rien ne va changer ça. C'est ça. Voilà. Soyez libérés. De votre timidité. La fille, on a mal dit, la bino. Quand on a mal la timidité, là, yo. Mal dit. N'a une femme, bah, y'a bien gaïté. N'a une femme, bah, y'a bien gaïté. Yo, on s'occupe, yo. Attendez, yo, sango, y'a le bico. La parole du salut. Il est là, y'a le bico. Donc, madame, y'a le bico. Vous êtes donné la joie du salut. Je pense que c'est un peu plus, y'a le bico. Frère Branham dit, il n'y a aucun doute que les gens qui se meurent sont assis ici même. Ils partiront d'ici avec la vie pour vivre de nouveau. Gloire à Dieu. Il dit pourquoi le même Saint-Esprit qui a conduit Simeon vous a conduit ici ce soir. Attends, n'ayez pas peur de vous abreuver. Avancez librement. Nous venons hardiment au trône de Dieu. Vous allez courir, ne vous pas vous le Dieu qui nous a promis cela est fidèle. N'ayez pas peur. Vous étendez la main et prenez cela. Vous avec la main pour c'est pour vous. Vous allez pour la bino. Il vous a conduit jusqu'à la fontaine. Attendez que vous le à l'Isiba. Maintenant, si vous avez soif, buvez. Ça vous allez la pensa, mais là. Vivez en abondance. Bela et bela penza. Vivez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus boire. Bela tu ne es que on met à lui tout soutien. Jusqu'à ce que l'intérieur explose. Tu ne es que la carte panza la penza. De la gloire de Dieu. Nathan Bolanzambi. Vivez. Bela. En abondance. Bela mise penza. La quantité que vous tient. Mais là vous venez. Goûtez, sentez que le Seigneur est bon. Vivez. Vivez. Jusqu'à ce que vous ayez tellement bu le salut de Dieu. Que vous n'écouterez plus les critiques. Et vous n'écouterez plus vos sentiments. Et vous n'écouterez plus les symptômes. Vous pouvez. Vivez! Vomela! C'est la parole de salut. J'ai dit le bico. Vivez! Vomela! J'ai dit qu'on a vivez! Vomela, vomela! Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vos sentiments. Il était beau, ça va pas s'en aller ici, c'était. Vivez! Vomela! Jusqu'à ce que vous n'écoutiez plus les symptômes de vos maladies. Il était beau, ça va pas s'en aller ici. Tant que mais au coyo quand vous sautez. Au coyo quand vous êtes fait dans le Dieu qui t'a amené jusqu'ici, c'est pas vrai. Va amener qui va aller à Pambaté. Sali n'a eu besoin de vivre. Self service. Comme il est, ça y est, mi servir, yo me connais mon ligui. Nanda koya tata parole est sali. Puissance est sali. Tiens-moi est sali. Bouya est sali. Nyonso est sali. Bonne chose. Otoki otie. Otoki otie. Attends, voisin, j'en ai qu'à moi. Et sali n'est-ce pas? Et sali qu'à moi, yo, n'a pas de benayo. L'obico est sali, yo, mon corps. Vomela. Jusqu'à ce que vous n'écoutiez plus les critiques. Oyoka va tomber le sous. Ok, d'accord. Si on a dit que la langue a été, si on a privé. Vomela. Dieu t'aime et ça te suffit. Namalindio, c'est tout pour aller. Vive. Vomela. Vous regardez au calvaire et vous direz, oh Dieu, je voulais entendre le rugissement du calvaire. C'est ce que j'aime entendre. Amen. Amen. Vous y êtes. Vous allez en là. Non pas les critiques contre vous. Allez la tombe, allez vous non pas les symptômes contre le corps. Vous allez non pas les sentiments de frustration. Sentiments de déception. Les sentiments d'amertume. Oh, y a bon le mawa. Les dégoûts de la vie. Oh, vous allez la porte à mon moïté. Seigneur, ce que je veux entendre. Oh, ce sont le rugissement du calvaire. Oh, et là, il a rugi. Voilà, Gaga qui. Père. Tata. Pardonne-le. Limbi Sabango. Et là, il a rugi. Voilà, Gaga qui. Tout est accompli. Non, c'est petit famille. Les promesses sont confirmées. Il a ça, c'est petit famille. La puissance de Dieu est manifestée. Voilà, Gaga qui. Salut, famille. Douleur d'hémorroïde. Voilà, beaucoup. Amen. Beaucoup, non, hémorroïde. Hémorroïde. Parce que voilà, hémorroïde. Et où tu ne coupes pas? Amen, amen, amen, c'est vrai. Les douleurs de ventre. Passe à l'ibumu. L'ibumu passe. Et où tu ne coupes pas? Amen. Voyez ça? Vivez. Venez là. Plus on avance, et Dieu agit encore. Mais vous allez passer, mais vous allez passer ça là. Dieu est notre délivrance. Amen, vous allez passer ça, mon bimba. Amen. Voici venir Siméon. Conduit par le Saint-Esprit. Comme vous qui êtes conduits ici. Saint-Esprit. Nada gozala, Saint-Esprit. Nada gozala, Saint-Esprit. Nada gozala, Saint-Esprit. Amen. Toyoka na clairement. Amen. Toboyi incrédulité. Amen. Saint-Esprit, on dit à même péon. N'a même pas de pour voir le salut de Dieu. Pour vivre le salut de Dieu. Il descendait, il s'est arrêté. Et il a dit, je vois le signe messianique. Tu entends un cri de délivrance? Est-ce que tu entends un mot de délivrance? Un mot de salut? Une parole de salut? C'est le signe messianique. Le pouvoir est dedans. Celui qui sauve est ici. Il t'a permené au hasard. Pour une expérience nouvelle. Un nouveau témoignage, tu dois le donner. Il est Dieu pour ton âme. Il a dit, je vois le signe messianique. Donc c'est lui. Et il a étendu le main et il a dit, Siméon. Seigneur. Laisse ton serviteur s'en aller en paix. C'est allons ta parole. Mes yeux voient ton salut. Mais son angai, mais elle commence à tu as préparé pour tous les hommes. Et donc nous allons faire notre banco. Dieu l'a préparé pour tous les hommes. Or toi aussi tu es un homme. Vous allez monter. Pour tous les humains. Or toi aussi tu es un humain. Vous allez monter encore moins. Dieu a déjà préparé le salut pour tous. Non, mais c'est là que vous allez vivre pour n'ayez fait le salut. Mais on l'a vu. Il a déclaré. Toi aussi tu dois voir. Et tu témoigneras. Tu dois le témoigner. Que tu as vu le salut de Dieu. Tu as reçu la parole de salut. Tu entends la parole de salut. C'est une parole agréable. Promets le salut de l'âme. Tu manifestes déjà le salut du corps. Signe montrant que vous savez que la guérison divine est un attribut de la résurrection. Oui. Même Dieu peut guérir ton corps aujourd'hui. C'est le même qu'il ressuscitera quand il mourra. Le même Dieu qui peut guérir son corps maintenant, il peut le transformer complètement pour lui faire revêtir l'immortalité. J'ai confiance en Dieu et j'en suis heureux. Gloire au Seigneur. Écoutez encore ceci. Dans les sermons, le docteur Moïse, du 14 janvier 1955, il dit ceci: nous vous souhaitons certainement la bienvenue, notre cher ami, et l'amour pour le Seigneur Jésus. Nous les souhaitons. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a amené ici. Il vous a conduit au culte. Et c'est lui qui agit, qui parle. C'est lui qui te ramènera chez toi. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous vous souhaitons certainement la bienvenue. Et l'amour pour le Seigneur Jésus. Puisse son esprit vous réveiller ce soir. Et éveillez grandement vos sentiments. Pour que vous l'aimiez davantage. Eh bien, ceci est toujours fondamentalement la vraie parole de Dieu. Cette Bible, hein, est toujours et fondamentalement la vraie parole de Dieu. Aucun frère du message se dise la Bible n'est pas la vraie parole. Mais la vraie parole, c'est les citations de Branham. Il ment. Les citations de Branham nous enseignent que c'est toujours et fondamentalement la vraie parole de Dieu. Le frère doit répéter ça comme ça. La vraie parole de Dieu. La Bible. C'est la vraie parole de Dieu. Toujours et fondamentalement. Chaque passage de ceci est inspiré. Et elle est d'un bout à l'autre la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Si donc Dieu est dans sa parole, alors si vous recevez la parole, vous recevez Dieu. Amen. C'est bon? Amen. Kaka bon? Amen. Si donc Dieu est dans sa parole, et que vous recevez sa parole, et l'on dit que c'est la parole du salut qui est envoyée à vous, nous avons insisté que c'est pour vous. Et c'est lui qui vous a conduit ici. Il attend de nous pour entendre la parole du salut. Il n'a pas à vous. Et quand vous la recevez, recevez. Eh bien, c'est ça le plan de Dieu. Le motif de Dieu. C'est ça l'attitude de Dieu. L'amour de Dieu et le salut de Dieu. Le motif de Dieu, c'est ça. Le salut de Dieu, c'est ça. L'amour de Dieu, c'est ça. C'est ici, là. C'est le plan de Dieu. C'est l'attitude de Dieu. C'est le motif de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est le salut de Dieu. Votre Bible est pour ça. La vraie parole de Dieu. Les motifs de Dieu. L'amour de Dieu. L'attitude de Dieu. Le plan de Dieu. Et le salut de Dieu. C'est le but pour Zambé. Cette Bible que tu as. C'est ça. Peux-tu dire amen? Et prendre au sérieux. Amen. Qu'on s'en est sur la Bible. Qu'on trouve la Bible. Qu'on néglige la Bible. Qu'on voit que sa Bible est. Il y a une vraie parole. Eh bien, c'est ça le plan de Dieu. Le motif de Dieu. L'attitude de Dieu. L'amour de Dieu. Le salut de Dieu. Tout se trouve dans sa parole imprimée. Tout ce qu'on a cité là, ça se trouve dans sa parole imprimée. Et si ces paroles étaient juste comme des grains, ou des semences, qu'on peut déterrer et avaler, chacune d'elles produirait très exactement ce qui est dit, mais c'est par la foi que nous les recevons. Il y a une vraie parole. Il y a une bonne ensemble. Il y a une bonne ensemble. Il y a une esaleli ensemble. Il y a une lobby qu'on ensemble. Mais ils ont le rôle à la semence, mon boto, pour qu'il y ait un bayango, dans la condima. C'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. À partir du chapitre 1. Le verset 13. Nous terminons bientôt. Bien que c'est trop spécialant. Et à la chair, c'est très chaud. Dans l'église, ça doit chauffer. Parce que l'onction de Dieu est transmissible. Hein? Nous répétons ce que nous connaissons. Verset 13. En lui, vous aussi. Après avoir entendu, nous venons d'entendre. Et nous continuons à attendre les terminales. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et je veux que toi aussi tu croyes. Crois à tout cela. Et alors qu'est-ce qui va suivre? Et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Et nous recevrons exactement ce qui est promis. Très, très exactement. Gloire à Dieu. Mais si nous ne recevons pas ça par la foi, dans la puissance de la décision, le 7 octobre 1960, le paragraphe 24, oh, et dit ceci. Comme on a vu Moïse faire, nous voyons ensuite qu'il fut, il lui a dit de prendre le bâton en main, et de faire les mains et d'aller de l'avant. Moïse devant la mer rouge. Et comme la colonne de feu qui le conduisait, la grande gloire de la Shekinah, il était devant nous ce soir, Madine Alou, il est précédé. Il a fait demi-tour. Il est allé derrière eux. Et pour les Égyptiens, c'est devenu obscur. Mais cela donnait de la lumière pour Israël. Et le plan même du salut de Dieu. Lorsqu'un homme ferme son cœur au plan de Dieu, il tombe dans l'obscurité. Savez-vous cela? Dieu a une voix. Elle est déjà établie. Nous l'avons lu dans Esaïe 5. Dans aujourd'hui. Le chemin et la porte sont clairement identifiés. Et là, vous devez les accepter. Voyez? Et le plan même du salut de Dieu. Lorsqu'un homme ferme son cœur au plan de Dieu, il tombe dans l'esprit. Voyez-vous cela? Dieu a une voix. Elle est déjà établie. Mais lorsqu'un homme rejette la lumière, il ne reste rien d'autre que l'obscurité. C'est la même chose aujourd'hui. Mon ami pécheur, toi, lorsque tu rejettes l'amour, tu dois subir le jugement. Il n'y a pas moyen d'échapper. Je te donne d'abord l'amour. Mais si tu rejettes cela, il n'y a rien qui reste si ce n'est le jugement. Ainsi, accepte cela cette fois. L'amour de Dieu. Nous comprenons d'accepter. Pour ceux qui croient, il y a l'espérance. Pour ceux qui rejettent, il y a le jugement. Aucun de nous n'échappera à ces sorts-là. Et Dieu bénisse cette parole de salut dans nos cœurs. Comme dit l'esprit spirituel pur, croissez maintenant. Faites croître ça. Jusqu'au plein salut. Expérience du salut. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons maintenant pour la prière. Une troisième carte postale. Ah, mon cher pasteur, je vous aime beaucoup. Que le Très-Haut vous bénisse. Ça continue à venir. Il a même mis un symbole dedans. Que Dieu vous bénisse aussi. Et qu'elle soit avec vous, ma soeur. Vous bénisse mon précieux pasteur. À l'effet, j'avais une douleur au ventre en venant à l'église. J'hésitais entre rester à l'extérieur ou entrer ici à l'église. J'ai fini par rentrer. Lorsque vous avez prononcé cette parole sur le dégonflement, j'ai ressenti un soulagement au niveau de mon ventre. Les ballonnements ont stoppé et je me suis senti à l'aise de lui. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Ayoki ango lelo et salipe kaka lelo. Tolobi ango, Dieu confirme sa parole. Quand tu crois, les effets viennent. Sans tarder. La puissance est dans l'église. Son amour est ici. Il est merveilleux dans la bataille. Merveilleux au fond. En français, c'est le salut en Jésus est une affaire personnelle. Oh, on ne l'a pas encore répété. Il faudra un jour qu'on essaye d'apprendre un peu ça. On chanter ça aussi en. En français, recevoir le salut en Jésus-Christ est une affaire personnelle. Chacun doit prendre ça pour son âme. Que le Seigneur vous bénisse. Que le na Yesu ezalepo na moto kotalela moninga na yote ezale etomba ya molimo na yo ozalo pi na kati na Yesu ezalepo na moto kotalela moninga na yote ezale etomba ya molimo ekolo kolo na yo bona lo lento te colona ye pete o campana colona ye nanga bamai nanga banana yomoko o kambaka e colo colona ye bona lo lento te colona ye Pete o kambanga, kolona ye, tanga bamai nanga, banana yomoko o kambaka bang. En kolona nga akosala nene, makanese nanga epediliwa. Kolona sengi yo moli manayo Ikambanga sapande kananga E kolona nga kakosala nene Makanese nanga ipejiwa Kolona sengi yo moli manayo Ikambanga La pande ko e kolo kala nae bona lo lendo te kala nae pete o kambanga kolo nae nga bamai naga bana nae yomoko o kambaka bango de kotala Na kati na yeso Lila bata yese Endonga na yu Nika bivule la Ya pamba ya mokele Nika mpiko Kolo apyangi Kolo Kolo na ye Kona la lenda te Kolo na ye Pete o kambaka Kolona ye Bona bambay nanga Banana ya moko o kambaka pang E kolo Bona lo lendo te Kolona ye Pete o kambaka Kambang kolona ye Tonga bambai nandai Banana yomoko o kambaka bango En accord avec l'évangile entendu numéro 25 Biziba Yamakila Izali Liziba Makile Izali Otamisisa Emmanuel Baso moke bako zenda bako petolama bako pe bako petolama bako petolama Baso moke bako zenda bako petolama boye bia sepelake koma malisi bayango Gai pe nako Zena kona na ko sokolama na ko sa na ko sokolama na ko sokolama ngai pe Kino lendo mana zambe etika masomo etika masomo etika masomo Kino lingo manasambe etika masomo na bondeme ngai na moni lize bamatila na yo Olingona yonde sembo yangai kinoliwa yangai kinolewa yangai kinoliwa Olingona yonde sembo yangai kinoliwa bongo nansembo kitoko nako yembangu ya nayo Ango nako kitisama na ki yanakunda na ki yanakunda kuruta ki yanakunda Ango nako kiti sama nangu nyana kunda. L'homme descendra en paix au tombeau. Alors l'amour de Dieu sera mon chant. Ce moment-là d'enterrement arrivera pour moi. Je descendrai en paix. Le salut de Dieu est une réalité. Il est dans sa parole. Et le Seigneur Dieu t'envoie la parole. C'est une bonne nouvelle que nous avons entendue. Le Seigneur Dieu t'a envoyé la parole. C'est à vous qu'il a envoyé ça. Ou la race d'Abraham. Vous qui craignez Dieu. Il vous a envoyé la parole du salut. Nous la recevons. Nous en jouissons. Nous l'aimerons et la soutiendrons. De tout ce qu'il y a à nous. Du mieux que nous pouvons. Que Dieu t'exauce. Maintenant que tu l'as supplié, tu lui as adressé tes prières. Tu as répandu momentanément ton âme devant lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. Que Dieu lève son regard de miséricorde. Que tu chasses tous tes ennemis. Que le Seigneur te fasse là, te donne la paix. La joie dans sa présence. La joie du salut. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, c'est pour nous un grand privilège de voir combien tu nous aimes et que tu nous as partagé cet évangile, l'évangile du salut, la parole du salut. Tu l'as envoyé sérieusement parce que dans ton cœur il y a le plan du salut. Tu viens à sauver tous les humains. Tu as préparé ça pour tous les hommes. Nous l'avons entendu avec reconnaissance et nous voulons profiter du moment favorable, ce temps favorable de ce jour du salut, pour l'expérimenter chacun. Adressons nos prières pour que tu nous secoues, tu nous exauces. Tu as entendu chacun te parler à ses propres mots, au mieux qu'il a compris ta parole. Donne-moi le salut. Seigneur, donne-le. Seigneur, bénis abondamment. Change notre nature. Ôte la nature de l'incrédulité et tous ces attributs de méchanceté, de ruse, de dissimulation, d'envie, de médisance, que cela soit évacué de notre nature. Toute impureté, Seigneur, délivre-nous de ça. Accorde-nous le pardon à nous-là qui nous répandons. Chaque cœur qui se répand, qui t'a supplié ce matin, tout à l'heure, Seigneur, accorde-lui ton pardon. Donne-lui la joie d'être pardonné. Ce bonheur céleste qui vient de Dieu seul, qui a le pouvoir de pardonner, qui a le pouvoir de sauver. Fais goûter cela à chacun. Et que chacun sente combien tu es bon. Que chacun boive de soleil. Boive de cette parole du salut. Jusqu'à ce que le salut devienne effectif dans son caractère, dans son comportement, dans ses habitudes, dans ses sentiments même. En paix. Change le décor de notre vie. Nous voulons vivre pour sa gloire. Est-ce que de base à ton service, nous serons au mal, à l'humanité, au suivre, à toute forme de péché. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec l'Église. Toi qui nous as conduits jusqu'ici. Conduis chacun jusque chez lui. En sécurité et en paix. Dans la joie du salut. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Louange à Jésus-Christ.